tout le monde! Vous écoutez toujours le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin et vous aurez remarqué par cette voix super agréable à vos oreilles. Oui! C'est super doux, tympan! Que c'est l'heure de la grande traversée du jeudi Plectrum. 2 heures de musique, la première francophone, la deuxième anglophone. Très très peu de commentaires et souvent des commentaires inutiles et surtout idiots. Gracieuseté de moi-même. Débutons dès maintenant. Trêve de plaisanterie. Commençons avec un brûlot, une pièce qui cause beaucoup de débats en France. Je parle bien sûr de la pièce Les Vents des Vents passent, Chirac en prison. Pièce qui, aux dernières nouvelles, n'est diffusée que sur une radio commerciale en France, et c'est Oui FM. Les autres ont toutes passé. Je crois qu'elles sont fait dire non pour leur vidéoclip aussi. Les Vents passent font finalement parler beaucoup d'eux par les médias, les grands médias de France, et peut-être pour une mauvaise raison, parce que vous écouterez la pièce et vous en ferez une idée. Est-ce que ça vaut la peine de censurer cette pièce? Débat! Chirac en prison! Sur la marge, 89.3 FM, CISM, dès maintenant, go! C'est une obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. J'attends 2007. C'est mon seul espoir. Je sens. Voilà. Rebonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui a débuté avec une pièce des Vents passent, c'était Chirac en prison. Ouhouhou, politiquement incorrect, plus ou moins ici. On va poursuivre maintenant dans la même veine, un petit peu de rock'n'roll, de rush et roule. On va débuter avec une reprise de Georges Brassens des Gutter Demons, c'est la pièce Pauvre Martin. Ensuite, on va enchaîner avec nos chouchous, les Natacha, qui seront en concert jeudi prochain au Cégep Bois de Boulogne en compagnie d'un groupe qui débute, mais qui a bien du beat, Malajube. Nom bizarre, ils n'iront nulle part avec un nom aussi imbécile. Ensuite, on va enchaîner avec les Breastfeeders et leur reprise de Joe Dassin, Bip Bip, qui est pas mal une des seules pièces qu'on peut digérer de cet album. Et on va terminer avec un succès souvenir de Tiny Young en compagnie de Henri Salvador. C'est la pièce Tu es le roi des menteurs. Et bien des filles me l'ont dédié. Tranche de vie ici. Pendant que je ris, on va passer en musique. Sur la marge. Avec une mèche à l'épaule, avec à la lèvre douchant, avec à la lèvre douchant, avec à l'arme grand courage, il s'en allait trimer au champ. Sa vie, de la mort jusqu'au couchant. te mis sur la place de la Concorde. Chauffeur de taxi montre les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau, y'a du soleil. Oh, n'effrayez pas les petits oiseaux. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume la cigare et a de petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner, y'a du soleil. Oh, vraiment, je ne suis pas pressé. À côté, en voiture décapotée. Ma mère exaspérée me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà trop tard, encore un bonheur de passer. Elle a des yeux, elle est prête à me fusiller. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation. Je voudrais bien lui faire un peu de conversation. Mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger. Et peu des sons, la pluie lui tombe sur le nez. Emparée qu'elle est belle sous la flotte. Je vais aller l'aider à remettre sa capote. Mettons dans son abri, la voilà qui me sourit. Je suis trempé, j'ai l'air d'un bon mon chien mouillé. Et voilà le feu vert qui vient de se rallumer. Je passe la première et chacun de son côté. Le signe de la main, au revoir et à demain. Y'a du soleil, puis on se verra, on se reverra. Va me mentir comme la dernière fois. Je sais bien ce que tu vas dire, c'est ta sœur ou je ne sais quoi. Non, je ne veux rien entendre. Ne fais pas le joli cœur. Tu es le roi des menteurs, le roi des menteurs. Tu ferais bien mieux de te taire au lieu de ramener ton copain. Lui non plus, il ne vaut pas cher, tu peux lui donner la main. Vous seriez à vous entendre, pur comme des enfants de cœur. Mais vous êtes des menteurs, des rois des menteurs. Tu es comme toutes les filles et tu t'imagines le pire. Essaie d'être un peu gentil, je veux simplement te dire. Rien du tout, tu auras beau faire, avec toi je suis fâchée. C'est le jour de mon anniversaire et tu n'y as pas pensé. Dans ton dos, qu'est-ce que tu caches? Où tu m'as porté des fleurs? Ne dis rien, bien que j'embrasse le roi des menteurs. Le roi des menteurs. Le roi des menteurs. Hey, bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer avec du Rocher Roule, avec du Tiny Young et du Henri Salvador. C'était la pièce Tu es le roi des menteurs. C'est tiré de la compilation Femmes de Paris volume 1. Un peu avant, on avait les Breastfeeders avec Bip Bip, tiré de la compilation Salut Joe. Un peu avant, Natacha avec la pièce Esclavo del Rock'n'Roll. Et on a débuté avec Pauvre Martin des Gutter Demons. On va poursuivre dès maintenant avec des pièces plus ou moins électro. On va débuter avec La Russe de Malajube. Pour ceux qui veulent entendre la version longue de cette pièce qui devrait s'appeler Gilles de la Tourette, allez sur leur site MySpace. C'est le myspace.com/malajube et vous devriez avoir beaucoup de plaisir. Ensuite, on va enchaîner avec une toute nouvelle pièce de TTC qu'on pourra retrouver sur le mixtape, la compilation Pour les filles volume 2. La pièce s'appelle Vacances en Italie. Ensuite, on va enchaîner avec une nouveauté de SAS31 et on va terminer avec un duo avec Lederhosen Lucille de Low End Magnetics. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com. Mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Et si vous avez un iPod, iTunes et vous avez entendu parler de balado-diffusion et vous savez pas si c'est une maladie qu'on peut attraper via les bobettes, eh bien passez par mon site web podmodernisme, c'est le podmodernisme.blogspot.com et vous devriez trouver plein de réponses et de choses à télécharger. On débute maintenant avec la russe de Malajube sur la marge. À tout de suite. Retour à la face cachée du stress, en compagnie de Malajube et Locolocas. Ici Gilles. Les gars, Malajube, pourquoi vous vous accouplez à Locolocas? Il propose qu'un prêt-à-penser prémastiqué pour la masse. Pourquoi polluer vos propos par la politique? Vous ne vous amusez plus avec la musique? Tout le temps, tout justifier, toujours tout expliquer, tous les jours tout analyser, toujours tout décortiquer, pour la critiquer, tous ceux qui ont tiqué. Caisse, on a décidé de descendre dans le sud, voir du pays, voir des amis, boire toute la nuit, pizza et spaghetti, mozzarella, gazza et soleil, cacio d'oca et sommeil, vacances marées, tout sublime, petite cuisse, oh merde! Frais, comme une glace à l'italienne, sans la grappa du placard, v'la tequila qui se ramène, je sors de la mer, la bite à l'air, sous le soleil, mets ta casquette, si t'en as une, moi j'ai pris la mienne. J'ai pris ma casquette, le poste et la cassette de cul. J'appuie sur lecture et c'est le défilé de jolie fille. Je peux t'assurer que ça ne parle pas de politique. 100% de chance que ça finisse, oh. Olivier. C'est calamar, cannelloni, parmigiano, pasta pa. Voilà l'artiste. À l'arrière de la Vespa, j'échappe au paparazzi. Rentre à la casa, y'a la mama à la marmite. Berlusconi fait du logis, c'est du joli. Pat fait tout chini, très du roli, c'est du loli. Rap Pasolini, film de Claude Zidi. Pas de limite, Fabrice Lucchini. Pesto pesce scoppa, la pasta è scotta. Bella Vespa, carina mia, vieni qui, ascolta il fuoco. Che vuoi di me? Dimmi. Giochiamo al gioco, je fais patatini. Après l'antipasti, voici l'after party. Gino Socchio, Dolce Vita de Ryan Paris. On frotte les filles, on a pas mal d'amis. Une drôle d'équipe, style Denis Lamalisse. Elle m'a dit attentionne, interdit de stationner. J'étais derrière comme un petit bâtard en train de la frotter. Elle me dit trop c'est trop, va voir si je suis à côté. On ouvre la porte, la chambre, y'a sa sœur, je me suis mis à bosser. Il vous encore une fois de journée. Bonjour! Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Vous avez remarqué à mon imitation d'un beatbox qu'on va maintenant passer à notre bloc hip-hop francophone. Mais avant, je vais vous résumer ce qu'on vient d'entendre. On vient de terminer avec Low and the Magnetics. C'était la pièce tachée tirée de leur album Apart. Un peu avant, on avait tiré du deuxième maxi de Sass 31. C'était la pièce Une fois de journée. Un peu avant, les fameux TTC qui sont d'ailleurs de passage au South by Southwest, le fameux festival de musique musique alternative canadienne, américaine. Alors, si vous avez de l'argent à papa et à maman à passer, eh bien, allez au South by Southwest voir TTC et dire « Ah, nous aussi, on parle français !» Et regardez-les sans foutre éperdument. C'était la pièce « Vacances en Italie » tirée du mixtape « Pour les filles » volume 2. Et on a débuté avec la Russe de Malajub tirée de leur excellentissime album « Trompe-l'œil ». On va poursuivre avec du hip-hop. On va débuter avec « Nul si découvert ». Ensuite, on va enchaîner avec du « Loco Locas ». Ensuite, on va poursuivre avec Gatineau qui prépare un spectacle, non pas un concert, mais un spectacle rap, un hip-opéra, un opérap, si vous voulez. C'est au Quai des Brumes, surveillez les journaux, c'est très bientôt, ça devrait être très intéressant. En attendant, pour vous mettre dans le mood, in the mood for love, on va entendre leur pièce 7 carrés et on va terminer avec du Maybe Watson. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, eh bien, mettez ça dans une enveloppe et mettez-y un timbre et puis passez à votre clavier, écrivez-moi un courriel à plectrumcism@hotmail.com. Il y a aussi mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com et ma balado-diffusion, mon podcast, c'est le PID, PODMODERNISME, podmodernisme.blogspot.com. On est bien maintenant avec 100 000 à l'heure des Nuls Découverts sur la marge de 89.3 FM CISM, la radio de l'Université de Montréal. Et la tienne aussi, public. Oh oui, la tienne aussi. Je vis ma vie à 100 000 à l'heure, comme si de valeur. Toc qui vogue sans souci pour les cris des petits oiseaux de malheur. Rappeur sans saveur, sans études, sans laveur. Tu me copies comme un graveur, un acteur bof dont les strophes n'apostrophe ni les toughs ni les danseurs. J'rappe comme un penseur, j'attaque les bonnes heures. J'kill style boxeur, ferme tes poings, arrête, pense-y bien. C'est malsain, mais j'm'élance comme un lanceur. Front, balle rapide ou court, 100 000 à l'heure ou le dos. Ben vite à te mettre dans le trou, même si j'ai pas un rôle. Tu master X, c'est comme une Lex qui est parkée en dos. Dans ton driveway, avouez que vous êtes bafoué. J'suis voué à rouler pis te doubler. Pèse sa clutch, arrête de pète sa coche. J'rappe pour les cats qui piquent des sacoches. Les wannabe, whack MC, fuck a stick, sa gosse. Juste une raison de killer, après ça me chiller. Mon weed, je fais livrer, hibervillerie. Hiberné dès que l'hiver est né, sous une couche de givre riche. Fuck shit, gibberish. Never stopping, nothing new shit starting. Top of your game, 100 miles and running. Bitch, slap you within a fucking second, cause the party's bumping when the J's disrupted. Never gonna stop the DC posse. 100 mile an hour, killing spree. A motherfucking hardcore, still make it for sure. That when I'm through, that you'll be begging for more. Mes patins que Paul Martin quand il patine devant ses gros citoyens. J'ai tant à voir pirouette pis il se rend compte de rien. Pas pire qu'un politicien. Ben souvent je parle de rien, mais au moins je dis bien. Pis je le dis tellement vite qu'il comprenait que le lendemain. Débit verbal, débile, débilitant. Depuis le début des temps, je me débat contre le tab. Abonne pas quand je finis devant, je suis dans le vent. Je bien des pieds à terre, coupe tout le chef parce qu'il risque de faire frais. À vitesse m'a passé, tes godasses c'est mieux délancer. Place votre amoncé, la phase en vite cassée. Comme une tache de son Saint-Christ. Comme un shot de Nash, une pop de hash. On blast plus qu'une ceinture d'explosif, explosif. Devait de look la lune, mais ton shit reste inaudible. Je frappe, le compteur dans le tapis. Je pèse du champignon comme le champion qui joue dans taxi. Mon style est animé comme les films de Rav Bag. J'y fatte mon rap, man, c'est ça fucking mad. Si je fonce, c'est ça, y'a mon exhaust. Ex in the house, le niveau de gosse des sas. S'il y en a pas un qui se lâche, fonce dans les passants. Plein de sang noir, si ton droit c'est indécent. Moi j'vis ma vie à 100 000 à l'heure, jamais peur du labeur. J'bois à fumer plus vite que Schumacher. J'marche plus vite qu'un sprinter. Sur ma montre, il est minuit avant l'heure. J'pèse sur l'accélérateur, puis devance mes collaborateurs. Dans la rigueur, j'impose mon beat de killer. J'suis l'MC pulvérisateur, j'fais sauter ton pacemaker. Je donne une attaque au cœur, cardiaque. Sans pitié pour les wacks, j'ai l'effet de l'ammoniaque. En 6 mois j'ai fini mon pack. Yo, ralatidac, tu m'étourdis. On dirait que t'as pris une traque. Prends un verre de cognac, assis-toi pis layback. Impossible, j'ai un disque à sortir. 2000 rimes à écrire, plein d'MC à détruire. Une caisse de 12 à finir, une vie à réussir. Pis une blonde à faire jouer. Fuck that, débarque stopper, sans rocker. Moi j'continue, scrooge contrôle à 100 000 à l'heure. Bref, on rêve, genre rue, genre rêve. Charné, char, crée ton char, pis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir. Oh, c'est pour toi que militer pour Amir Kadir. Maintenant la table est mise pour 4 ans à bâtir. À pâlir, à vue le deuil, à Uri à la vue. La bande d'abrutis qui bras d'abrite abattus. Qui vendent à rabais par la bande. Ce que pas pris, il me faut le monde. Fini de payer, ressemble d'un abatti. Coupe sombre, coupe à blanc, coupe gré. Alouette, je t'ai plus marré. Et pour couper, courroux, courroux populaire. Patapouf, étouffe, la foule est légifère. À tombeau ouvert, pis tout sourire ici. populaire. C'est ça être solidaire quand t'en as sacré toute ta terre. Afin de faire taire un argumentaire unique en terre d'Amérique, mais son affaire. Ça fait bien trop l'affaire. Dirigeant d'affaires du Canada puis du conseil du patronat. Baillon, pas baillon, je raille pareil le patron des patrons. Taillez-le, taillez-le. Hey, c'est le dément, dément tellement. Texte c'était tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comment t'aimes le tête à mort des barbares. On est un fan d'avoir un gars. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Je te dis corps et catégorique, j'en charge. Mike Harris, même combat, même charisme, même kermesse. Des biens et services publics, calice. Faut que ça finisse la chasse au PS. Pour eux, c'est une business. Inespéré, pis ceux qui dépérissent, ils restent plus qu'à prier pour Saint-Jean-Baptiste. À me faire prendre ma race de séparatistes. Y'a pas de place, on peut pas faire la place. Contre-performance pour la SGF, pour les CPE ou les STF. Un impôt sur la quête. Tiens, ça serait pas bête. Ça dirige le Québec comme une PME, comme un pimp, c'est pute pour qu'elle aligne les PIPS. Si ça sait, ça se connaît. La clé du succès pour le 24 Sussex, c'est d'asexuer le Québec. Quel beau sujet pour Jean-Claude Labrec. À autant de gnomes, autant de braguettes. Faire sucer debout, c'est ça, se tenir drette. Je suis prêt. On est loin de maître chez nous. Maintenant comme jamais, y'a un traître chez nous. Ça s'entend quand il parle comme un derrière de boîte de céréales. Si tu penses me faire taire, tu perds ton temps, j't'ai tarissable. Je vais sous ton ciel, musée, je suis ton féal. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. Libérez-nous des libéraux. D'être ici avec vous dans votre chanson, ça me permet de rejoindre un public qui en général a été libéré. Comme la soirée canadienne, je pars tout ce qu'on est partant pour faire, partant à l'ancienne. C'était traditionnel avec une touche additionnelle. Quand je rêve avec une paire de pince large, puis je me sens fané quand je l'ose. Mais c'est pas dit, papa, c'est quand même dance. Comme une veillée de nantes avec sa naissance de partant. On va crisser des bûches d'apoise, comme ça la nuque. Sortir l'accordéon, on s'entend tout de suite. Joe, allez, on est bon. Je vous vois, drette là, y'a pas ta perte, ça sombre dessus, bras dessous. Mais si mon nez bien sous, mais si mes consorts disent, c'est ça la denesse, t'es tout. Je vous vois, toute la paroisse, va moi, je vous n'y a pas caisse. Vous levez sur vos chaises, y'a, comment ça presse. Que pas d'être petit Québécois, bah, c'est sous sa caisse. Oh, qui fait chaud, ouais, c'est d'air comme dans une fournaise. Je cette corée, jamais je croirai, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corée, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois, toute l'assistance, la moi débrouiller. Oh, ça! Jamais je croirai, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous corée, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois, toute l'assistance, la moi débrouiller. Hey, c'est rare que ta visite, hein, faut qu'on en profite. Rapport ça rit pas souvent quand ça déboule la mythe. Je vais toute la parade, fesses ta dread, elle m'a j'pite. Faut que le monde participe avant qu'il participe. Ça masse, en avance, en tasse. Que personne jase pendant que le joint se passe. Bibo sort tes passes, mais si tu veux pas que ça brasse, ça t'était mieux une petite tasse. Ah, tu veux savoir qu'est-ce que je sais que ma grand-mère. Et qui vit pas, c'est de tout le temps, ceux qui en veulent. Faut savoir de cette voix qui est du chant. Tu vois dans mon live, dans ton coq rond. Tu viens de village, des beaux enfants. Laisse ta gêne, gros, donne-toi. Agressant panacée du plage au plafond. Ça s'est tourné, jamais je pourrais, c'est pas ta mourir. Va rester personne à la place des morts. Puis vous pourrez, c'est pas ta noyer, c'est pas ta mourir. Je vois toute l'assistance, va me débrouiller. Ça s'est tourné, jamais je pourrais, c'est pas ta mourir. Mieux va rester personne à la place des morts. Puis vous pourrez, c'est pas ta noyer, c'est pas ta mourir. Je vois toute l'assistance, va me débrouiller. Les filles des patrouilles, les gars des bords tiroyés. L'assistance éparpillée, rapide chance de pareil. Par mon papa, pas de sky, par mon papa, pas de sky, par mon papa, meurt de sky, par mon papa, dormi doigt, mais hey, reste pas planté là comme un estime tortue. Bouge ton cul comme ça, tout de monsieur pointu. Avec moi dans la cabane, ça se passe comme dans le temps des fêtes, ça se passe comme dans le temps de nos ancêtres. Oh, c'est juste qu'attaque la tonne arrête. Fait que je veux pas de snob, de bad boy pis die bite. Je white toute la paroisse, ma mouche, mon abacaise, vous levez, tu vas chasse, y'a. Maman, ça passe, mais c'est fourri, jamais je courris, c'est pas ta fourri. Mieux pas rester personne à la place des fourris. Mais vous courris, c'est pas ta noyer, c'est pas ta broyer. Je white toute l'assistance, maman. Des boys, t'as cette corée, jamais j'corée, c'est pas ta corée. Mieux pas rester personne à la place des boys. Tu te corée, c'est pas ta corée, c'est pas ta corée. Je vois ton assistance, va me débrouiller. C'est à cette corée, jamais j'corée, c'est pas ta corée. Mieux pas rester personne à la place des boys. Tu te corée, c'est pas ta corée, c'est pas ta corée. Je vois ton assistance, va me débrouiller. C'est à cette corée, jamais j'corée, c'est pas ta corée. Mieux pas rester personne à la place des boys. Tu te corée, c'est pas ta corée, c'est pas ta corée. Je vois ton assistance, va me débrouiller. Dans mon milieu, les femmes. Show us some dark, come dance the fornizer. Quand tu vois, mon lap est tapis rouge. Ah, avec mes amis sont thugs, away baby. Yeah, sit, give me some love. J'suis dressed up fashion, mes habits smooth. Quand tu vois, mon lap est tapis rouge. Mon ami Dalit fait que j'ai la glotte ressemble. J'ai une feinte rhinocéros, je frotte le ventre. J'suis narcissique, mon lap pour moi est trop intense. Qu'est-ce que t'as avec moi, baby? J'ai trop pas le temps. À l'église, j'flasse entre des grosses offrandes. Au show, mon flavor reste fly comme une sauce au vent. Pour les opposants, j'rappe de façon optimale. Sans gueuler mon étiquette, c'est plus que de régional. Parce que dans le street, j'suis love global. Si tu veux savoir où j'habite, check mon code postal. Mais on s'en tape, chicky chicky con en frac. L'ego, c'est comme la bourse quand ça monte, ça craque. Hey yo, si jamais tu finis comme Tizzy en crête, fais attention, tu gueules si ça monte à la tête. Et puis qui sait que leur con adepte, c'est un blond chiant, t'es mieux de rompre avec. Et yo, si jamais tu finis comme Tizzy en traite, fais attention, tu gueules si ça monte à la tête. Comment? Et puis qui sait que leur con adepte, c'est un blond chiant, t'es mieux de rompre avec. Et yo, ah! On l'invite à la morale, on fait l'amour, on leur cale la pastorale. Cri graffinage, je souhaite une douche, t'entends, ah! C'est la maybe touche. J'tombe des pommes, on m'amène à l'hôpital, sur une civière, en anesthésie locale. C'est effectivement dommage, away nurse, amène la petite pas mal. Plus tard, je suis on the road comme une bille errante. Prêt à mac, les petites femmes et les filles géantes. Quand je rentre dans le bus, le chauffeur m'écœure. Montre-moi ta carte d'identité, tu sors, s'il te plaît. Dans le street, tu love global. Si tu veux savoir où j'habite, j'ai mon code postal. Mais on s'en tape, et je dis que je t'ai dit qu'on en frac. L'ego, c'est comme la bourse, quand ça monte, ça craque. Fat sack. Ouais, bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin et c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se déroule dans tes oreilles. On vient de terminer des pièces hip-hop, un moment rap qu'on a passé entre nous, toi et moi, cher public, avec du Maybe Watson, c'est la pièce Tapis Rouge, tirée de la compilation Maybe Watson et ses copains, un peu avant, tirée d'une autre compilation qui s'appelle 15 ans de Marge. C'est la pièce 7 carrés du groupe Gatineau, un peu avant un classique de Loco Locas, Libérez-nous des libéraux. Ça fait tout le temps du bien, où est-ce que ça passe quand on l'a fait jouer. Et on a débuté avec du Nul si découvert, tiré de l'album Yéhou le hip-hop. C'était la pièce 100 000 à l'heure. On va poursuivre maintenant avec trois pièces plus ou moins pop, électro, je cherche les définitions. Et pour mieux cerner ces pièces, on va débuter avec un mash-up de DJ Zebra. Ensuite, on va poursuivre avec de la bastard pop. C'est des mash-ups aussi, deux pièces qu'on mixe ensemble, de styles différents. Cette fois-ci, d'un DJ qui s'appelle Bully Boy. Et si on a le temps, on va terminer avec une valeur sûre du Yann Perrault, c'est-à-dire le gars qui copie ma coupe de cheveux. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com. Il y a aussi mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. On est maintenant avec Michael Was a Jedi de DJ Zebra. Et je crois que vous allez reconnaître un air qui vous sera familier, surtout si vous avez un sombre fétiche pour les zombies sur la marge.

vieux qui ressemblera à Robert Mitchum. Pour un regard et pour le reste, reverra plus tard. Ta reine mutine toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, la noire d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Oyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous, à clous. Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec l'orable. Du badaud qui ne sert à rien, réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou bien les gencives des crétins du quartier latin.